La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la musique électrique des sphères. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris. En direct, mais sans public, hélas, trois fois hélas. Nous sommes en direct pour un nouvel épisode de Combat. Combat, vous le savez maintenant, c'est le nom donné à un cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture, de débats et de lectures ici au Théâtre de la Ville, que je remercie pour son accueil chaque fois si chaleureux. On peut le dire, notre conversation scientifique d'aujourd'hui sera tout à fait spéciale et même exceptionnelle, car nous allons faire un petit pas de côté, un écart par rapport à nos habitudes. Il se trouve qu'une personne que je ne connais pas, dont je ne connais même pas le nom, a remarqué et fait savoir que la conversation scientifique a pour anagramme « ton octave qui caresse l'infini » ou « l'infini qui caresse ton octave ». Alors je me suis dit, en découvrant cette élégante trouvaille, cette coïncidence ne peut pas être qu'un joli clin d'œil. Elle est aussi le signe, l'invitation à parler de musique, à entendre de la musique dans notre conversation scientifique, en vertu d'une alliance secrète mais certaine entre la science et les arts. C'est pourquoi, sur cette scène du Théâtre de la Ville, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Rodolphe Burger. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes compositeur, guitariste, chanteur, vous avez créé et fait partie notamment du groupe Katonoma. Alors Katonoma en grec, j'ai compris que ça voulait dire comme son nom l'indique. Oui. Ça se comprend bien, mais il indiquait quoi ce nom? Justement, c'était le jeu, d'ailleurs... Pour pas paraître trop intello, parce que on l'a beaucoup reproché ça, comme c'était du grec déjà, ça faisait une réputation d'intello. Ben oui. Mais c'est pas pour ça que vous êtes invité. Non, mais du coup des fois on disait non, c'est un anagramme, c'est l'anagramme de un monotake, une seule prise. Bon, et là, en fait non, mais ça vient bien du grec et bon, aucun d'entre nous était helléniste, mais on a appris que Katonoma, en fait, c'est parti d'un dessin d'un ami italien qui avait mis ce mot sur son dessin, et en grec ça veut dire comme son nom l'indique. Onoma, c'est le nom commun. Et on trouvait que c'était une jolie pirouette parce qu'on était très embarrassés au moment de se donner un nom. On était un groupe qui s'appelait La Dernière Bande, qui était un peu informe, mais au moment de s'auto-baptiser, on était devant ce problème, quoi. Pourquoi les Rolling Stones? Pourquoi les Beatles? Pourquoi les Kings? Pourquoi? Et du coup, voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire, c'est un nom autoréférentiel. Donc, Katonoma, c'est le nom du groupe qui sonne comme ça, quoi. Alors, Rodolphe Burger, nous avons au moins deux points communs. Vous êtes alsacien et j'ai des origines alsaciennes. Et le deuxième, c'est que, si j'en crois les apparences, nous n'avons guère d'affection pour les peignes, ni pour tout autre outil qui pourrait servir d'une façon ou d'une autre à la mise en ordre capillaire. Je me trompe? C'est vrai. J'ai pas vu une seule photo de vous, vous êtes coiffé. Je suis coiffé. Mais vous, par contre, je sais pas comment vous débrouillez sans peigne pour avoir l'air coiffé. Quoi. Alors, j'ai choisi d'intituler cette émission « La musique électrique des sphères ». Parce que j'ai l'impression que votre guitare électrique, dont vous ne vous séparez presque jamais, fait entendre une sorte de musique des sphères, de cosmologie sonorisée, de mélodie des ténèbres, de vibrations éthérées qui secouent l'espace-temps plus ou moins nerveusement. Ça vous va comme définition? Et je dois aux auditrices et aux auditeurs de France Culture d'expliciter la chaîne causale qui vous fait être ici en ce 23 janvier. Il se trouve que j'ai assisté à l'un de vos concerts à la Fondation Cartier le 2 juillet 2020 à Paris. J'ai honte d'avouer que je ne vous connaissais pas avant de vous rencontrer en chair et en os. Et vous aviez notamment interprété un morceau qui m'a littéralement saisi, Cantique des Cantiques, hommage à Mahmoud Darwish, avec des paroles sublimement poétiques, une musique transporteuse, bref, un cocktail envoûtant. Vous étiez en compagnie de Ruth Rosenthal qui chantait avec vous. Et parmi vos musiciens, il y avait Yves Dormois, qui fut longtemps un physicien spécialiste de matière condensée, puis pilote de ligne, et qui est devenu enfin musicien. Il est en somme passé de la matière condensée à la matière condense, à la musique condense, pardon. Et après ce fameux concert, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé vous parler. Pourquoi ai-je eu ce courage? Parce qu'il m'a semblé que vous êtes le seul compositeur qui pourrait mettre en musique le Big Bang, les fluctuations du vide quantique, la nucléosynthèse, l'inflation cosmique, le mur de Planck et la radioactivité. Est-ce que ce projet a commencé? Oui, bah, il a commencé au moment où vous m'en avez parlé, mais évidemment que je ne m'attaquerai pas à un sujet pareil sans être bien accompagné, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Parce qu'aujourd'hui, là, pendant l'émission, vous allez devoir converser avec moi, mais aussi jouer plusieurs morceaux. Est-ce que dans la tête, on arrive à... C'est vrai que c'est pas, ces deux exigences. Vous avez raison. C'est pas très confortable, enfin, comme situation. En général, je suis pas très client de cette chose-là, parce que c'est tellement différent, comme le type de position, de la parole, par exemple. C'est pas du tout la même. J'ai l'impression que la voix, c'est pas la même. Donc, de passer de l'un à l'autre est pas toujours facile. Mais, là, je le fais très volontiers. Est-ce que ça vous a surpris ce que je vous ai demandé ce soir-là quand je vous ai dit que il y avait quelque chose de potentiellement, disons, cosmique dans votre musique? Ça m'interroge. Il y a bien sûr le cliché de la musique planante, mais bon, il faudrait savoir pourquoi on parle de musique planante, si bien qu'il y a quelque chose dans le son quelquefois qui évoque l'espace. Enfin bon, on parle d'un son. On parle d'espace à propos du son très, très facilement. Et c'est vrai que dans l'expérience de la musique, très souvent, le type d'images qui viennent à l'esprit sont des images. Alors, j'ai fait un album d'ailleurs qui s'appelle Météor Show. En le faisant, c'était avec un producteur doctoral très, très, très, très, très, une sorte de forgeron du son, comme ça, qui allait dans la matière même du son. On avait l'impression, à plein de moments, d'être dans une espèce de jeu avec la matière elle-même, l'espace, le temps, bien sûr, quand on fait de la musique. Donc, bien sûr qu'il y a un rapport. Alors, il faut se méfier aussi des analogies faciles, mais bien sûr, c'est certain qu'il y a du lien, là. Quelque part, vous avez écrit, Rodolphe Burger, vous avez écrit la musique, le son en général... Ce n'est peut-être que cela, une mise en circulation ad libitum. Il y a du latin là, cette fois. Ça circule entre les musiciens et le public à la vitesse de l'électricité qui parcourt nos veines. C'est ainsi qu'en tant que physicien, j'ai appris qu'il y avait de l'électricité qui parcourt nos veines. Ouais, mais c'est la licence poétique, on va appeler ça. Hein. Et puis bon, il faudrait parler de la vitesse de la lumière hein, aussi. Mais c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a ramené dans la musique, parce que je fais d'abord de la musique assez tôt. Très jeune, bon, du rock, quoi, et du rock électrique. Et c'est vraiment la guitare électrique. Hein. C'est rien d'autre qui m'a convoqué, je dirais. Voilà, très... J'ai lu que vous avez acheté votre première guitare électrique à l'âge de 10 ans. 11 ans, oui. Et vous l'avez commandée sans pouvoir la payer. Oui, c'est ça. Avec un camarade, on est allé courageusement à Strasbourg en train voir des guitares électriques. Simplement les reluquer, les regarder. Et ça a été plus fort que nous. On est rentré dans le magasin, on a commandé... Les guitares. Et après, on était tout penauds en revenant chez nous, en se demandant comment on allait pouvoir les payer. Et c'est comme ça qu'a commencé mon histoire de rock avec quelqu'un qui s'appelait Pascal Jacquemin. Puis on a fait un groupe, un concert très vite. Et ensuite, la musique m'a reconvoqué parce que j'ai fait ensuite de la philo. Mais ce qui est revenu, c'est ça. C'est le son de la guitare électrique qu'il fallait absolument que je réentende ça. Et ce qui va avec, en général, c'est-à-dire une batterie, une basse. C'est-à-dire le son, ça vous paraît être plus important que les paroles? Oui. Non pas que je néglige les paroles, mais bien évidemment que quand je parle de cet impact, de cette première empreinte là du rock, quand j'avais 10 ans, c'était du rock anglais. Les paroles, j'en percevais assez peu de choses et pourtant je me trompais pas. Je pense dans les. C'est-à-dire, il faut aimer la chanson même si on comprend pas les paroles. C'est le cas de plein de chansons hein, qui sont. Les Anglais sont souvent beaucoup moins scrupuleux en matière de paroles. Ils chantent quelquefois un peu n'importe quoi. C'est parce que le rock c'est ça sa force. Il fait de la langue une patte quoi sonore qu'il le mixe. Les Américains, ils ont un peu plus développé quelque chose qui est du côté de ce que les Allemands appelaient le Sprechgesang, des gens comme Dylan ou Reed. C'est pour moi très important cette façon de tirer la musique presque de la langue, de son rythme. Et j'étais très très longtemps encombré par la tradition de la chanson française, qui elle, au contraire, privilégie le sens, les paroles. Et il faut descendre un peu le niveau du sens pour pas être dans la chanson à texte. Et c'était le grand art de gens comme Alain Bachung, mais qui a longtemps cherché ça. C'est vraiment ça son boulot. Ça a été de monter le niveau de la musique, je trouve. Parce que lui aussi, ses références étaient surtout, pas seulement, mais surtout du côté du rock. Donc faire monter la musique, mais en gardant évidemment quand même aussi une exigence du côté du texte. C'est-à-dire, je suis pas prêt à chanter n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça un peu la difficulté. Alors vous avez proposé de chanter un extrait, du Cantique des Cantiques, avec des paroles qui pour le coup sont... Enfin, je les ai trouvées sublimes, des paroles comme Père qui les a écrites. Alors là, là, il s'agit vraiment de quelque chose qui part du texte. J'ai mis en miroir deux textes, l'un le Cantique des Cantiques, bien connu, mais traduit par mon ami Olivier Cadio, magnifiquement. Et ça, justement, le point de départ, c'était la cérémonie de mariage d'Alain Bachung. On avait fait ça à cette occasion ensemble. Et je l'ai repris ensuite avec Ruth Rosenthal, qui est israélienne et qui dit le texte hébreu magnifiquement. Et j'ai mis en miroir avec un texte de Mahmoud Darwish, donc grand poète palestinien, et traduit par Elias Sambar. Et il se trouve que ce texte a été écrit par Darwish en référence au Cantique, qu'il considérait comme, non pas comme un texte religieux, mais comme le texte fondateur de la poésie lyrique, on pourrait même dire de la poésie amoureuse. Donc ce sont deux love songs en réalité, deux love songs très puissantes. Et c'est vrai que là, le texte est d'une importance telle que la musique se doit d'être au service. Mais je pense que c'est néanmoins des love songs, c'est des chansons. Mais peut-être je vais vous laisser vous installer pour l'interpréter. Hein. On dit que le silence qui suit du Mozart, c'est encore du Mozart, mais je pense que le silence qui précède Rodolphe Burger, c'est déjà du Rodolphe Burger. Vous êtes bien sur la conversation scientifique. أراك فأنجو من الموت جسمك مرفأ بعشر زنابق بيضاء يطير الحمام يحط الحمام. Apprête la terre que je me repose, car je t'aime jusqu'à la fatigue. Ton matin est fruit pour les chansons, ce soir est d'or. Tu es l'éther qui se dénude devant moi. Larmes de raisin. Tu es le commencement de la famille des vagues, lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme, lorsqu'elles migrent, et je t'aime. Et tu es le prélude de mon âme. L'épilogue. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Est une plaie ouverte, car je t'aime. Je cours de douleur dans des nuits agrandies par la crainte de ce que j'appréhende. Viens souvent, absente-toi brièvement, viens brièvement. Et absente-toi souvent. Viens, et viens, et viens. Ah, d'un pas immobile. Je t'aime car je te désire. Je t'aime car je te désire. Je t'aime. Corps qui crée les souvenirs et les met à mort avant qu'ils ne s'accomplissent. Je t'aime car je te désire. Habiti. Je modèle mon âme à l'image des deux pieds. J'écorche mes plaies. Et je meurs. Pour que les mots trônent dans tes mains. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. Merci Rodolphe Burger. C'était donc un hommage à Darwish, ce poète palestinien survole les colombes. Merci de l'avoir interprété comme ça en direct pour nous. Il y a une foule immense qui, je pense, vous applaudit, mais on ne l'entend pas. Mais ça confirme, je pense, ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est une sorte de musique électrique des sphères. Voilà. Alors, j'ai lu quelque part, je dois vous dire que je me suis beaucoup documenté, que vous avez donné votre premier concert à l'occasion de la fête de fin d'année de la section bûcheronnage du Collège d'enseignement technique de Sainte-Marie, le village que vous habitiez en Alsace. Oui, c'est exact. Et au moment de chanter, à la différence de ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous, vous êtes tombé dans les pommes. Oui. Et ça vous a empêché de chanter pendant des années. Et vous oui, a... tout à fait. Est-ce que c'est l'événement? Alors, est-ce que vous expliquez ce phénomène? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est l'émotion, bien sûr. Mais c'est un groupe instrumental. Et puis j'ai eu envie de tenter de chanter quand même une chanson de Hendrix. Ça s'appelle Hey Baby. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, je pense. Ouais, peut-être. Mais c'est une balade. Hein. C'est une balade dans un très beau blues de Hendrix. Et j'écoutais beaucoup Hendrix à ce moment-là, et en effet, ça a été un désastre immédiat. Je me suis évanoui, réveillé assez vite, hein, mais ça m'a fait renoncer complètement à l'idée de chanter. Et donc, quand la musique est revenue bien plus tard, dans les années 80, elle est revenue aussi avec l'intention de chanter, et cette fois, je pense d'une toute autre façon, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un chant. D'un chant de chanteur, quoi. Je suis passé par la case, par la voix du parler chanté, aussi de ce que les bluesmen pratiquent, de cette chose qui est un peu une discussion entre la guitare et la voix. Alors à propos de Hendrix, Jim Hendrix, vous dites que c'était un homme qui s'auto-déracinait. Il partait, dites-vous, dans un voyage spatial dont la musique et les femmes étaient les vecteurs. Absolument. Bah, cette chanson dit exactement ça. Hey baby, the land. Hey baby, where are you coming from? Donc, de l'espace. Les femmes étaient pour Hendrix des anges. Et c'était pas une métaphore, hein, pour lui. C'était, je crois vraiment, que c'était des extraterrestres pour lui. Et oui, on peut dire ça, que Hendrix est quelqu'un qui, musicalement, en tout cas, a été un inventeur prodigieux. Et son invention a consisté justement à se déraciné par rapport à une tradition qui était celle ouais, de la musique noire et du blues. Et son cheval, je dirais, de son moteur pour ce transport, ça a été la guitare électrique. Parce qu'il était contemporain de toute une série d'inventions techniques dont il a immédiatement su user et abuser surtout. C'est très beau la façon dont il y avait des ingénieurs là, dans les studios au moment même. EMI, c'est extraordinaire. C'était à la fois un studio d'enregistrement et des studios de recherche technique. Et Hendrix tout de suite allait vers les possibilités de la distorsion, de la saturation, de choses qui étaient interdites au préalable dans l'approche acoustique classique, c'était des défauts. Et Hendrix a fait sa route avec ça, donc avec quelque chose qui ne se rattachait à aucune tradition au fond. Donc il y avait quelque chose de futuriste profondément dans ce geste artistique. Rodolphe Burger, entre le moment où, adolescent, vous avez donc fait cet évanouissement pendant un concert, et le moment où vous avez repris la musique un peu plus tard, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie, et vous avez envisagé de devenir professeur de philosophie ou philosophe. Et vous avez eu un long compagnonnage avec Derrida. Comment ça s'est passé? Quel type d'études aviez-vous suivi? Moi, je suis arrivé à la philo. Alors, par des voies détournées, c'est ce qui a un peu créé le malentendu quelquefois, parce qu'on a pensé que j'étais une sorte de bon élève. Donc d'un télo, c'est cette image d'un télo qui pesait sur le groupe Cattleman. Non, moi j'ai fait des études assez banales. Enfin, au lycée, j'étais en D. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette section. Si, biologie. Ouais, mais c'était ceux qui n'étaient pas capables de faire C et qui n'avaient pas le droit de faire A. C'était un peu ça. Et à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus occupé, passionné par les. C'était les années 60-70, quoi. Hein, donc c'est le rock, la politique. Et les anges dont parle Hendrix. Bon. Et donc la philo est arrivée après. Et c'est par l'intermédiaire d'un prof que j'ai croisé, qui était à Strasbourg et qui lui était plutôt du côté de Husserl, Heidegger. Et j'ai découvert ça comme une espèce de truc. C'était Philippe Lacoulabart. Non, ça c'est ultérieurement que j'ai rencontré Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoulabart. Qui était professeur à Strasbourg. Qui était professeur à Strasbourg, absolument. Non, Strasbourg a été un haut lieu de la philo dans ces années-là. Il y avait, grâce à, notamment à Jean-Luc et Philippe, qui étaient eux très très proches de Derrida. Mais non, il s'agit d'un prof qui s'appelait Gilbert Rémy et qui lui était un excellent professeur, un excellent initiateur, quoi, au sens socratique. Il amenait à la philo et moi j'ai découvert ça comme une espèce d'alcool fort, quoi, que j'aurais jamais goûté, enfin, comme si on m'avait jamais dit que ça existait. Pas du tout, donc comme quelque chose d'académique. Et je l'ai fait avec passion. C'est évidemment à ce moment-là j'ai arrêté de faire du rock, j'en continuais d'en écouter, mais j'écoutais aussi beaucoup d'autres musiques. Et oui, la philo a été ouais, une vraie passion, et je savais pas du tout d'ailleurs si j'allais l'enseigner. Après, quand on en fait, on a envie de l'enseigner aussi. Donc j'ai enseigné quelques années, mais je savais que ce serait temporaire, je le vivais plutôt comme une expérience que comme un choix professionnel. Et comment est-ce que vous avez rencontré Jacques Derrida alors? Derrida par l'intermédiaire de Nancy Lacoulabart. Ensuite, j'ai participé à un colloque à l'époque. À Cerisy, j'étais le plus jeune, je crois, participant, j'étais terrifié. Mais Jacques Derrida, il a fait quelque chose pour moi d'inoubliable. J'étais allé le voir, sans recommandation d'ailleurs à l'époque, j'étais allé le voir comme ça, culotté à Ulm, dans son bureau. J'avais frappé à son bureau pour lui demander si je pouvais assister à son séminaire. Il se trouve que son séminaire était fermé cette année-là. C'était pas le séminaire ouvert où plein de Japonais et d'Américains venaient. C'était déjà très célèbre dans ces années-là. Ailleurs, et qu'en France, beaucoup plus qu'en France en tout cas. Et là, donc, il y avait juste les quelques élèves de l'école normale qui passaient la grecque qui avaient le droit d'assister à ce séminaire. Ils étaient quoi, 4-5. Et moi, j'étais pas du tout à Ulm, ni à Saint-Cloud. J'étais un pauvre étudiant, pas du tout titré. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont autorisé à suivre ça. Donc ça a été merveilleux. J'ai pu suivre ce séminaire. Ensuite, j'ai eu la chance, oui, de le côtoyer. Je suis devenu très ami avec... Est-ce que vous avez parlé de musique, de rock avec lui ou... Non. Vous dites Derrida, il n'entendait pas grand-chose au rock. Oui. Malgré son mélange de séduction et de côté cow-boy, oui, il était resté le petit footballeur d'Elbiard, le gamin des rues. Oui, mais c'est vrai qu'il avait un côté rockstar, hein, un peu. Mais en même temps, au niveau vestimentaire, par exemple, s'il avait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la musique, oui, non, il est venu à des concerts, il était un petit peu, Il savait pas trop quoi penser, je pense, je crois. Mais quand même, on a échangé à propos de d'Ornette Coleman. Enfin, ça, c'est une histoire un peu longue à raconter. Mais en bref, peut-être on en parlera tout à l'heure. Ouais, j'ai une question à vous poser. Mais le deuxième morceau que vous avez choisi, alors vous n'allez pas l'interpréter ici en direct, oui, parce qu'il est, on va le diffuser. C'est des poèmes cosmologiques envoyés par Alan Turing, le mathématicien génial, très peu de temps avant sa mort. Oui. Sous la forme de carte postale et avec un pseudo. Comment vous avez trouvé ces petits textes qui sont... Alors je sais plus du tout, mais en tout cas, moi, je pensais que ça vous intéresserait. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va l'écouter peut-être d'abord et puis après on en parlera. Messages from the unseen world. Arthur Stanley. Messages from the unseen world. Arthur Stanley. Hyperboloids of wondrous light. Rolling for age through space and time. Waves which somehow might. Arthur Stanley. Arthur Stanley. Message number three. The universe is the interior of the light cone of the creation. Message number four. Science is a differential equation. Religion is a boundary condition. Deep fruit. Voilà, Rodolphe Burger, nous venons d'entendre votre adaptation de ces messages venant du monde invisible, donc écrit par Alan Turing peu de temps avant sa mort, en 1954. Combien est-ce qu'il y a eu de telles cartes postales? Très peu, je crois. Moi, je sais même plus comment j'étais tombé là-dessus. Je crois qu'il y en a cinq ou six. Et j'ai fait ça, en fait, c'est avec Yves Dormois, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est à la fois physicien, musicien et pilote de ligne. au moment où on m'avait proposé de faire un concert au Planétarium à Paris. Et plutôt que de faire une musique, justement, spatiale, enfin, j'ai eu envie de faire de proposer quelque chose où on intègre, d'une part, des sons de l'aéronautique, parce qu'il enregistre beaucoup de sons, c'est très poétique, les sons, les échanges avec les différentes tours de contrôle dans les différentes langues. Et puis, bon, voilà, j'avais envie de rendre cet hommage à Alan Turing aussi, dont je connaissais la vie par un très beau texte d'Emmanuel Carrère, qui avait une vita qui était parue dans la revue de littérature générale. Mmh. D'Olivier Cadio et Pierre Alféri. Donc voilà, je suis tombé là-dessus, je ne sais plus comment, et c'est assez fascinant. Je ne sais pas quel statut on peut donner à ces énoncés. En tout cas, la musique que vous avez produite autour de ces textes, c'est vraiment une musique cosmologique, enfin, d'une certaine façon. Oui. Donc elle est aussi avec des sons. Oui, avec des sons terrestres, voilà. Enfin, venant des avions. Techno-cosmologique. Oui, c'est ça. Alors Alan Turing, il a montré que tout ce qui est calculable peut être décomposé en un nombre fini d'étapes pouvant chacune être réalisées par une machine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1952, il a publié un article qui a été très très largement commenté, dans lequel il propose d'utiliser des équations différentielles. Et d'ailleurs, il emploie l'expression dans ses petits textes, la science est une équation différentielle. Il a utilisé des équations différentielles pour essayer de décrire la morphogénèse. Et sa démonstration a été capitale dans l'histoire de la biologie du développement. C'était un génie pur. Et son anagramme ne lui rend pas justice, elle le trahit même, puisque l'anagramme d'Alan Turing, c'est garantie nulle, ce qui n'est pas du tout son cas. Quel rapport avez-vous, Rodolphe Burger, avec la science en général? Alors, avec les sciences, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous l'ai dit, moi, j'étais quand vous m'avez proposé de participer à cette émission, j'étais très très embarrassé parce que je me considère comme nul. Hein. Au lycée, j'étais en D parce que j'étais pas capable de faire C. Donc ça dit bien que j'avais pas de grandes aptitudes. Alors aujourd'hui, je me dis que si j'avais eu droit à des profs comme ceux auxquels on a accès aujourd'hui, d'une certaine manière vous en êtes un, enfin vous des gens qui transmettent, j'ai l'impression que aujourd'hui je suis capable de comprendre des choses comme la relativité d'Einstein. Bon, d'ailleurs on nous en parlait même pas au lycée, mais je dirais ça m'a toujours un petit peu embarrassé, même quand je faisais de la philo, parce que je considère que un philosophe qui est pas un petit peu armé du point de vue des connaissances scientifiques, il est boiteux, il lui manque vraiment quelque chose. Et moi, j'ai toujours un peu souffert d'un complexe par rapport à ça. Je me sens assez ignorant, défaillant, un peu comme un petit garçon, quoi. Bon, mais en tout cas, moi, je m'épuise à répéter que la conversation scientifique, c'est pas la conversation d'un scientifique avec un ou une scientifique, c'est la conversation d'un scientifique avec quelqu'un. Ou quelqu'une. Et donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Petite question, parce qu'il y a un mot que vous utilisez parfois, que je ne connaissais pas, que j'ai donc appris grâce à vous, et que je ne comprends pas. Ce mot, c'est l'armolodie. Ah, oui. L'armolodie, c'est quoi? L'armolodie. Avec un H au début, armolodie. Oui. Alors, c'est un terme qui a été inventé par Ornette Coleman. Et ça désigne sa conception de la musique. Donc, c'est à la fois une vraie technique de lecture et d'écriture de la musique, et aussi une méthode d'improvisation. Et je me suis beaucoup intéressé à ça parce que, bon, d'une part, j'ai avec Yves Dormois, d'ailleurs, on partageait une sorte de passion pour ce musicien et pour son parcours aussi. Et je me sens très très proche, notamment d'un guitariste qui a joué avec lui beaucoup, qui s'appelle James Blodelmer, et qui m'a parlé de manière très concrète et directe de cette affaire d'armolodie. Personne ne sait si c'est du lard ou du cochon. Hein. Les musiciens un peu sérieux se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que quand Ornette Coleman en parle, il en parle par métaphore, par poème, un peu comme Alan Turing à la fin de sa vie. C'est des énoncés qu'il faut interpréter. comme une espèce de sage chinois aussi, il y a quelque chose comme ça. Mais quand on parle avec un musicien comme Blödelmeier, on voit que c'est très concret. Et si vous voulez, l'expérience de la musique harmonique, quand on l'entend, c'est qu'on est dans un espace qui n'est plus référencé harmoniquement. Tous les musiciens peuvent jouer dans la clé, dans la gamme qu'ils souhaitent. Il n'y a plus de règles qui obligeraient tous les musiciens à se référer à une même base harmonique. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'on est dans le chaos ou dans l'anarchie, dans le free jazz au sens de quelque chose qui serait un peu complètement aléatoire, par exemple, pas du tout. Il y a des obligations, des contraintes, mais des contraintes qui sont pas harmoniques, qui sont des contraintes mélodiques. Et chaque musicien est tenu de répondre à l'autre, pas forcément dans la même gamme, pas forcément dans la même tonalité, pas forcément dans le même espace de référence, mais il faut qu'il réponde. Et sa façon de répondre, c'est de produire une phrase. Donc c'est une espèce de discussion collective permanente. Et en concert dans les Coleman, c'est ça un peu. C'est tout le monde phrase, mais dans un espace qui est un petit peu, qui donne le mal de mer, parce que on n'a plus de référence harmonique stable. Alors le prochain morceau que vous allez jouer, Rodolphe Burger, c'est Radioactivity, donc une sorte d'adaptation de cette chanson célèbre du groupe Kraftwerk. Qu'est-ce que c'est pour vous une reprise? Vous dites que c'est une anamorphose, c'est-à-dire qu'on fait pas des copies carbone de l'original, évidemment, et on distord les formes. Et vous dites aussi que c'est une opération chamanique. On manipule des fantômes. Alors concrètement, comment on fait pour manipuler des fantômes quand on est musicien qui reprend une chanson par ailleurs très connue? La question de la reprise, on pourrait en parler longuement, ça me passionne, parce que la reprise, au fond, c'est je compare ça souvent dans le cas des musiciens autodidactes, en général, comme c'est mon cas, je suis pas passé par le conservatoire. Donc c'est le conservatoire des autodidactes, c'est la reprise. On fait le rock, les musiciens de rock, ils commencent toujours par faire des reprises. Alors en effet, au début, c'est plutôt les reprises copier-coller. Mais là, ce qu'on a beaucoup pratiqué avec mon groupe Katonoma, c'est des reprises très interprétatives, qui cherchent pas du tout à reproduire, mais au contraire à donner, je dis anamorphose, c'est-à-dire qu'on travaillait avec le souvenir, l'empreinte d'un morceau. Alors, on partageait des empreintes, alors ça pouvait être Bebop Lula, ou ce morceau de Kraftwerk. Traditionnellement, alors c'était presque iconoclaste de notre part, un groupe à guitare électrique qui reprend du Kraftwerk. Mais au fond, moi j'écoutais Kraftwerk en même temps que les Stones et Hendrix, donc pour moi c'est, il n'y a jamais eu d'abîme entre tout ça. Mais surtout, tout d'un coup, il s'agit de l'interpréter comme de produire un truc en 3D, quoi. C'est-à-dire qu'on a le souvenir de l'original qui est dans toutes les mémoires. Et puis on peut jouer avec, il y a un effet de contrepoint par rapport à cette référence à l'original. Et pour ce qui est des fantômes, évidemment, on convoque donc l'original comme ça, d'une manière fantomatique. Mais en plus, j'utilise un instrument qui est le sampler, l'échantillonneur. Et alors pour moi, ça c'est vraiment une lampe d'Aladin, quoi. C'est-à-dire, on peut dans un sampler avoir la voix de son voisin, ce qui nous arrive avec Olivier Cadieux. On a fait des disques où on utilisait beaucoup ça, des voix archivées, des voix anciennes, des voix de collectées comme ça. Et là, on manipule vraiment des me dites pas qu'on va entendre la voix d'Einstein. Bah écoutez, là j'ai une version spéciale dédicace quand même. Merci, on vous doit bien ça. On va vous faire une version avec un fantôme. Merci d'avance. Radioactivity joué par Rodolphe Burger. C'est bien la conversation scientifique, je le précise. Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideas of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hand of a child of three. We must not condemn man to when he the equation E is equal to M C squared, in which energy is equal to mass. Multiplied by the square of the velocity of height. And this is the square of the most advanced of all the political minds in our world. Radio Activity. It's in the air for you and me. Radio Activity. Discovered by Madame Curie. Radio Activity. Tuning to the melody. Merci Rodolphe Burger pour cette reprise incroyable de Radio Activity. cette chanson du groupe Kraftwerk avec la voix d'Einstein et aussi l'évocation de Marie Curie. Et ça, ça tombe très bien. C'est... Einstein, il a une façon unique au monde de dire radioactivity. Et puis dans son article, voilà, dans son article de septembre 1905, dans lequel il y a la fameuse formule E égale MC2 écrite avec d'autres notations, la dernière phrase de l'article, c'est « Cette formule pourrait être vérifiée grâce aux sels de radium récemment découverts par Madame Curie. » Donc, Kraftwerk était beaucoup plus documenté que... Voilà. Alors, j'avais une question à vous poser qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais vous citez une phrase assez extraordinaire de Kafka qui dit quelque part « J'ai une force en moi, c'est mon être non musical. » Alors, quelle est votre interprétation de cette phrase? Oui, c'est une formule de Kafka qui va toujours fasciner, qu'on trouve dans le journal. Et parce qu'on parle toujours de la musique des mots, etc. On fait comme si tout ça c'était un peu pareil. Écriture, la musique. Et bon, Mallarmé parle de la sublime jalousie entre les deux. Entre les deux. Parce que, au fond, c'est des mots séparés, malgré tout. Et même si on passe le temps à, moi j'ai l'impression en tout cas de travailler avec des textes, à être dans un lien très fort, je suis très attiré aussi par l'écriture, fasciné par les écrivains, au-delà même d'un intérêt pour la littérature et les textes, la figure de l'écrivain. Pour moi, je mets très très haut l'art d'écrire. Et je pense qu'en effet, très souvent, chez les écrivains, il y a une résistance par rapport... Alors, est-ce la musique? Disons plutôt, en tout cas, la facilité mélodique, hein, c'est sûr. Ils sont plutôt du côté de la syntaxe que du côté de la mélasse. Ils sont du côté de la structure de la langue. Et donc, je pense qu'il y a une résistance, mais je dirais que les musiciens partagent aussi cette résistance, au fond. Les musiciens, ils résistent, ils sont très très très anti-musical au sens de, on supporte pas les musiciens, la plupart des musiciens, on supporte absolument pas la musique d'ambiance par exemple, la musique qu'on fout partout, on dit la musique adoucit les mœurs et tout ça, pas du tout, la musique c'est insupportable. Dans l'espace public, la façon dont ça envahit tout et on pense que c'est comme ça, que c'est cool, que c'est bien, que c'est une espèce de truc d'ameublement atmosphérique dont tout le monde est content. Il y en a partout, etc. Et les musiciens, ça c'est presque quelque chose c'est presque un test qu'on pourrait faire. Si tu supportes cette musique, tu peux pas faire de musique. Mais donc, le fait de jouer de la musique, ça aide à réfléchir. On parlait d'Einstein à l'instant. Einstein disait lui-même que jouer du violon, oui. Et d'ailleurs ses fils ont témoigné que c'était le cas, ça l'aidait à résoudre des problèmes. Ouais. Est-ce que chez vous, ça a ce rôle-là, ou est-ce que c'est une activité de concentration technique telle que on peut pas penser à côté. Je pense que l'état dans lequel on se trouve quand on joue et quand on est vraiment concentré, c'est pas un état de pensée. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est plutôt un état de joie, quoi, dans le meilleur des cas. Une joie, mais qui est pas, donc il n'y a pas de contenu de pensée précis. J'aurais du mal à chercher à faire des anagrammes en même temps que je joue, par exemple. Mais Einstein, bon, c'était un cas particulier. S'il arrivait à faire de la recherche tout en jouant du violon, bon, c'était Einstein, quoi. Il y avait la marche aussi chez lui, hein. Marche aussi à cette qualité. Ouais. C'est vraiment, donc de ce point de vue, la musique comme déplacement. La musique, c'est une manière de marcher aussi, de se mouvoir. Et du coup, ça a des vertus, évidemment. Ça déplace quelque chose aussi dans l'esprit, dans le cerveau. Mais sinon, je dirais la musique, l'expérience de la musique, mais alors sous tous ses aspects, l'enregistrement, la musique en live, la musique, le partage avec d'autres musiciens, le fait de travailler avec des techniciens aussi qui ont une part très importante dans la pratique de la musique. Tout ça, ça donne beaucoup à penser, par contre. Ça, oui. C'est une expérience extrêmement riche, je dirais même politiquement, à un endroit. Enfin, c'est dans la relation humaine. Il y a quelque chose là. Je pensais pas d'ailleurs qu'en refaisant de la musique, je m'engageais dans une aventure aussi riche et complète aussi sur d'autres plans. Alors justement, ce qui vous a ramené à la musique, vous dites il y a plusieurs choses, notamment. Un concert des Rolling Stones auquel vous avez assisté en 1976 en Allemagne, et vous dites c'était un un concert musicalement épouvantable. C'était une très mauvaise période pour Jagger, qui paraissait une caricature de lui-même. Par contre, dites-vous, le son de guitare de Keith Richards était extraordinaire. Vous le dites deux fois, extraordinaire. Et j'étais littéralement hypnotisé. Alors vous vous souvenez plus si c'était à Karlsruhe ou à Stuttgart, mais vous vous souvenez de ce son. Ouais. Et qu'est-ce qu'il avait de si spécial? Comment on décrit un son? C'est juste que l'expérience était incroyable. C'est-à-dire que c'était dans un stade, à l'époque, ils tournaient des stades. Et puis il y a deux hypothèses, Karlsruhe ou Stuttgart. Ouais. L'un des deux. Et il y avait énormément de, c'était un public essentiellement de GIs américains, il y avait les bases américaines en Allemagne à cette époque. Avec d'excellentes radios d'ailleurs, ça nous a, en Alsace c'était bien, on captait ça. Mais donc j'étais là très avec du recul quoi. J'étais au fond du stade et à cette époque-là, j'écoutais Ornette Coleman, l'Art Ensemble au Chicago, des trucs comme ça. Les Stones c'était un peu ma jeunesse, disons, enfin mon adolescence, et je venais presque avec un regard critique, des réserves. Et puis d'ailleurs c'était confirmé, parce que franchement là oui c'était pas très bon, hein, à l'époque, la mise en scène, il y avait un truc un peu kitsch, ils ont été capables de choses comme ça quand même. Et puis par contre, ouais, il y a eu ce son de guitare et je me suis retrouvé à traverser tout le stade littéralement hypnotisé par ce son. Je voulais me rapprocher de l'ampli parce qu'il y avait une chose matérielle dans le son. C'est pour ça que c'est compliqué maintenant, on est très limité en termes de puissance, mais la puissance fait partie de ça. Il faut la pression acoustique, quoi. Il faut le... Et c'était, je sais pas ce qu'il avait comme ampli, là, il faudrait que j'aille enquêter de près, parce qu'il avait... Le son venait encore beaucoup de la scène, c'est moins le cas maintenant. À l'époque, le son venait de la scène. Hendrix, il faisait tout son sur scène, parce qu'il n'y avait pas encore l'équipement qu'on a aujourd'hui. Et là aussi, c'était un son qui venait de la scène. Et c'était magnifique. Et Keith Richards, musicien que j'adore, qui est à Londres, et une des raisons qui font que l'adore, c'est que justement il est du côté, pas du tout de la virtuosité, hein, ça on le sait, et il est du côté vraiment de cette espèce d'amour du son, c'est le roi du riff, quoi, au sens de consistant, quoi. C'est, il y a un rapport gourmand, quoi, à la chose, quoi. Et puis évidemment ça vient du blues, quoi. Donc. Ouais, mais vous en parlez tellement bien que vous allez être obligé d'en jouer un peu. Et vous avez choisi la sympathie pour le diable. C'est ça. Et voilà, ça c'est vraiment spécial dédicace. Hein. Merci. Bon. Avec Julien Perraudeau, qui m'accompagne. Que nous applaudissons. C'est bien la conversation scientifique, hein, je le répète. Il y a eu un petit problème de corde, c'est ça? Voilà, c'est les joies du direct. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for long, long years, still dealing man, souls and faith. I was around with Jesus Christ at his moment of doubt and pain. Laid down sure on the pilot, washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. What's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was time for a change. Bill Tsar and his ministers, Anastasia, screamed in vain. Rode a tank at the general's rank when the blitzkrieg raged and the Gordy stand. Pleased to meet you. Hope you get my name. What's puzzling you is the nature of my game. quickly while your kings and queens fall from tempting case for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedy? When after all it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste, and I lay traps for travelers who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you guess my name. What's puzzling you? In the nature of my game. Merci pour ce cadeau. J'ai 1000 questions à vous poser encore, mais malheureusement, on va devoir arrêter cette émission. C'est une chanson dont le texte me paraît être non pas cosmologie, mais quantique, parce qu'il exprime la superposition quantique entre le bien et le mal, avec une inspiration baudelairienne ou bien le maître Marguerite de Bulgakov. Mais malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Merci d'être venu et d'avoir joué le jeu de la conversation et de l'interprétation de quelques morceaux. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Sébastien Huel, également Franck Malabry qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission. Je remercie aussi toute l'équipe de Wojtek Noiret de l'Espace Cardin, et enfin je remercie la réalisatrice de l'émission, Delphine Lemaire.